Pas de soucis contractuels, j'suis dans mise à l'amende perpétuelle. J'ai disparu, j'donnerai plus de nouvelles. Mets-moi des glaçons dans mon cocktail. J'vais tout dépenser, cette fois j'économise pas. J'suis dans la piscine, mais que la pousse pas. Tu veux savoir où je suis, j'suis en Espagne. Sur une île où il pleut du champagne. Ibiza, Ibiza, Ibiza. Avec la team, tu n'y viendras pas deux fois. Yeah. Cette soirée, tu t'en rappelleras. Tu danses, mais la tête n'est plus là. Yeah. C'est la fête.